Stephen King aime fuir le gouvernement américain, Stephen King aime allumer le feu, Stephen King a écrit Charlie et Kiss Thomas l'a adapté. Et toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Je me pose déjà la question de qu'est-ce que Stephen King peut bien aimer pour le prochain vidéoclub qu'on est censé faire sur un élève doué. Ouais, j'ai cherché longtemps pour pas que ça pose problème. Parce que bon, ça peut être très problématique. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, on est bien d'accord. Ça me fait rire. Donc, quoi de neuf de ton côté, déjà? Pas grand-chose. Ouais, la routine. Voilà. D'ici à ce que cet épisode sorte, le nouveau roman Never Flinch, pour le coup, sera sorti en VO. Avec un peu de chance, je l'aurais même reçu. Et okay. J'ai assez hâte de le lire. On sait de quoi ça cause? Bah, c'est à nouveau un roman avec Oli. Ah. C'est à peu près tout ce que je... Enfin, je me suis pas démesurément renseigné, justement, pour garder un peu la surprise. Mais apparemment, il aborde pas mal la situation politique actuelle, hein, de ce que j'en ai compris. Enfin, la situation politique d'il y a un an avant la réélection de Trump, vu oui. Qu'aux États-Unis, il y a des gros délais entre la fin de l'écriture et la publication vraiment d'un livre. Oui. Et sinon, niveau film, bah, y en a qui arrivent. Les retours sur la vie de Chuck sont plutôt bons, mais bon, voilà. C'est Flanagan. Je lui ferai pas confiance tant que je l'aurais pas vu. Voilà, c'est donc... Flanagan, ça nous fait peur. Ouais. Et puis même le casting, mis à part le casting, bon. Loki, comment il s'appelle? Ah non, mais non, c'est bon alors. Todd Hiddleston. Non, j'avais quelqu'un d'autre en tête. Il y a Mark Hamill aussi dans la vie de Chuck. Non, mais je sais Tom pas pourquoi. Hiddleton. Je sais pas pourquoi j'avais l'acteur principal de 22-63 en tête. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, effectivement, oui, ça aurait été... Non, mais il est un peu... James Franco, il est oui, un peu mis sur le côté, pour le coup, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi. Ou alors je m'illusionne, mais j'ai l'impression qu'il est un peu écarté des castings, heureusement. J'avais lui dans la tête. Non, pour le coup, Tom Hiddleston, c'est quelqu'un de... C'est un très bon acteur. Hein. Oui, clairement. Du coup, Mark Hamill, j'avais pas fait gaffe, mais il va être dans deux adaptations de King cette année, vu qu'il est aussi dans Marche ou Crève. Oui, dans Marche ou Crève, exact. Bon, ça me va, j'aime plutôt bien Mark Hamill. C'est pas un acteur de génie, mais il m'est plutôt sympathique. Non, mais quand il est dans des rôles où il peut cabotiner un peu, en général, il s'en sort bien. Oui, en fait, ça aurait dû être surtout un acteur de doublage, hein, limite. Oui, parce que clairement... Son rôle du Joker dans les séries Batman, il est très bon. Donc voilà, bah on attend de voir tout ça. On est relativement curieux, on va dire, même si modérément, pour le Flanagan. La vie de Chuck, c'est une nouvelle de Si ça saigne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais bon, je pense pas qu'on tombera dessus tout de suite. Jamais dire jamais, Sam. À moins qu'on le pioche dès le premier coup, dès qu'on le met au chapeau. Après tout, c'est arrivé quand on avait remis Dr. Sleep. Voilà. Donc c'est possible. Peut-être qu'il y a une malédiction Flanagan. Bah, du coup, je propose qu'on se lance pour Charlie. Ouais, mais pas trop fort, parce que ça fait mal sinon. Ouais, merci. Toutes les blagues sont de ce niveau-là pour cet épisode. Je sais pas, je me tâte. Parce que dans ce cas-là, j'appréhende déjà la rubrique Room 237. Hein. Ah oui, t'appréhendes la chanson. Ouais. Ah, j'ai tout mis dedans. C'est bien ce qui m'inquiète. Pour rappel, Charlie, le roman, on l'a déjà abordé, mais ça fait un moment, et c'est la seule fois qu'on en a parlé, c'était à notre 34e épisode qui était consacré à Firestarter sous l'emprise du feu de Robert Hiscock, qui est donc une espèce de suite de Charlie qui aurait dû servir de préquel à une série, mais comme c'était tout pourri, ça n'a pas marché. Par contre, le roman, lui, il est vachement bien, on l'aime tous les deux beaucoup, oui, et oui. Il est quatrième de notre classement, donc voilà, si vous voulez nous entendre dire du bien de Charlie, le livre, N'hésitez pas à aller écouter ce 34e épisode. Exactement. Nous allons donc parler non pas de la première adaptation en film, celle qui est la plus connue avec Drew Barrymore qui date de 84, mais de l'adaptation sortie en 2022, la plus récente, que nous allons spoiler, et donc nous allons aussi spoiler le roman, même si les deux sont très différentes, bah justement pour parler des différences, on sera obligé de révéler des éléments. Ouais. Et ben on va se lancer. Et ben allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Je sens un truc bizarre. Il se passe quelque chose. Tu te souviens de ce qu'on t'a enseigné ? Bureau, crayon, papier, chaussures. C'est trop bizarre. Tout va bien, Charlie ? Ça a recommencé. Qu'est-ce qui a recommencé ? Le pas bien. Si tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu dois faire ? Ça n'a pas marché. C'est pas un robot, Andy, c'est une enfant. Qui a des émotions d'enfant complètement imprévisibles. Charlie ? Ça doit rester enfoui, elle doit le réprimer. Notre devoir, c'est de la préparer. Notre devoir, c'est de la protéger. Charlie ? S'ils l'attrapent, ils vont la mettre en cage. Charlie ? Elle sera leur cobaye. On ne la reverra plus jamais. Qui veut m'attraper ? Nous avons un problème. Il faut le gérer en toute discrétion. Ramenez-la moi vivante. C'est pas vrai. Tu sais ce que c'est que de vivre en cavale? Des types nous poursuivent. Ils sont très méchants. J'en ai marre de cette vie. Tu es exceptionnelle, Charlie. Je suis pas exceptionnelle. Je suis un monstre. Charlie. Je veux l'aider. Vous voulez l'utiliser? Charlie? Faites pas l'idiot. Elle est où, maman? Vous sentez? Lâchez-la avant que ça empire. Ma maman, dis-moi où elle est ! Elle est unique en son genre. Elle a de vrais, super pouvoirs. Tu dois apprendre à t'en servir. Tu ne dois pas le subir. C'est toi qui décides. C'est ton seul moyen de le contrôler. Elle est en train de devenir une jeune fille. On n'ira pas en prison. Il arrivera un jour. Tu vas changer le monde. Où elle sera capable de provoquer une explosion nucléaire. Sauve-toi ! Hâte-nous, vite ! Par la seule force de sa volonté. Charlie, ça nous raconte donc l'histoire de la petite Charlie McGee et de son père Andy, qui sont en fuite, qui fuient le gouvernement, parce que suite à des expériences auxquelles a participé le père et la mère de Charlie il y a des années, en fait, au moment où ils se sont rencontrés, ils ont acquis des pouvoirs psychiques assez limités. Le père, en fait, peut un peu influencer sur l'esprit des gens, mais il se fait assez mal en le faisant, et la mère a aussi des pouvoirs vagues. Sauf que comme ils ont une fille ensemble, elle est surpuissante, elle a des pouvoirs de pyrokinésie très très puissants que ses parents ont essayé de cacher le plus longtemps possible, mais le gouvernement a fini par retrouver leurs traces et ils sont chassés par la boîte, une organisation secrète, et notamment par un de ses tueurs à gages, l'étrange Rainbird. Un bien bon résumé. Le projet de réadapter Charlie s'est annoncé en avril 2017 en coproduction par Universal Pictures et Blumhouse, un studio dont on a déjà eu l'occasion de parler. Ouais. Un peu spécialisé dans les adaptations de trucs d'horreur à la chaîne et pas forcément à super budget. Oui, pas que adaptation, même film d'horreur en règle générale. Oui, effectivement. C'est juste qu'effectivement, changer à des adaptations beaucoup. Ils ont quand même régulièrement tendance à prendre des licences. Comme ils ont pu le faire avec Five Nights at Freddy's, c'était bien eux aussi, je crois. Oui, exact. C'était vraiment pas bon. Mais effectivement, il faut aussi des trucs originaux. Non, c'était nul. J'ai hâte de voir le 2. À ce moment, en 2017, le réalisateur annoncé, c'est Akiva Goldsman, un des scénaristes et producteurs de La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, dont on a parlé donc il y a longtemps. Il était producteur aussi sur Doctor Sleep. Mais un peu plus d'un an plus tard, le projet n'a pas des masses annoncées. On est en juin 2018. Akiva Goldsman se retire du poste de réalisateur, mais il reste comme producteur. Il est producteur aux côtés de Jason Blum, au générique du film. Et le réalisateur annoncé à ce moment-là, c'est Fatih Akin, avec comme scénariste Scott Teens, Alors Fatih Akin, je connais pas du tout, moi, son cinéma, j'ai rien vu de lui, mais c'est quand même un choix plus qu'atypique, on va dire, pour réaliser Charlie, parce que c'est un réalisateur allemand, enfant d'immigrés turcs, dont tous les films ont été réalisés en Allemagne. En fait, Charlie, ça aurait été son premier film américain, mais comme ça n'a pas abouti, il a effectivement fait que des films allemands. Ouais. Il a réalisé, par exemple, Head Zone, De l'autre côté, Soul Kitchen ou In the Fade. La plupart de ses films sont en fait des drames sociaux, ou à la limite des comédies sociales, qui aborde beaucoup la question de la communauté turque, soit en Allemagne, soit dans un sens plus large. Mais bon, du coup, Charlie, on voit pas ce que ça viendrait foutre dans cette filmographie. Et j'ai envie de dire, peut-être tant mieux pour lui, s'il s'est retiré du projet à un moment. Oui. Je sais pas ce qu'il fait, mais il paraît que c'est bien. Et bon, il a peut-être bien fait de sentir le vent tourner sur cette histoire. Le scénariste, par contre, Scott Teens, c'est bien lui qui restera au final. C'est un réalisateur aussi. Enfin, il a été réalisateur en début de carrière. Il est apparemment... il a notamment fait un documentaire qui s'appelle Holbrook Twain, An American Odyssey, qui apparemment est très bien, sur Al Holbrook, qui est un acteur qui a fait un one-man show sur Mark Twain, qu'il a fait tourner pendant 60 ans. Ah oui, quand même. Ouais, c'est, il marche bien, hein, 60 ans. Ah oui, effectivement. Gros succès, ouais. Il avait déjà été lié à un projet autour de King en 2012, parce qu'il aurait pu être scénariste d'une version de La méthode respiratoire, justement, qui aurait été réalisée par Scott Derrickson. Donc, j'aurais bien aimé voir, parce que j'aime bien Scott Derrickson. Bah oui, oui. Mais ça n'a pas vu le jour. Réalisateur de The Sinister, Black Phone. Ouais. Du premier, oui, du coup, qui a été lié à la famille King, puisque Black Phone, c'est une adaptation de Joe Hill. Joe Hill. Et en plus grosse production, le premier Doctor Strange, qui était vraiment pas dégueu, d'ailleurs. Effectivement, ouais. Scott Teens, en tant que scénariste, pour le coup, uniquement, il a participé au scénario de Halloween Kills, qui est le moins bon de la trilogie Halloween récente, c'est le deuxième. Ouais, ouais. Et c'est clairement le plus faible, même si j'ai rien contre cette trilogie et que je trouve pas que ce soit un radicalement mauvais film non plus. Oui, contrairement à ce que beaucoup de personnes le disent. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi le scénariste de Insidious Red Door, que j'aime moins que toi, mais qui est pas non plus une catastrophe. Donc le tout dernier. Ouais, c'est ça. Ouais. Et apparemment, il est aussi mentionné comme ayant participé à l'histoire de The Exorcist Believer. Ça, j'ai pas vu. Et lui est une sombre merde. Oh, pardon. Ouais, bon, on peut pas tout réussir. Oui, voilà. Fatih Akin se retire du poste de réalisateur, et en décembre de l'année suivante, c'est là qu'est annoncé le réalisateur définitif, à savoir Keith Thomas. Par contre, donc le scénariste reste le même. Keith Thomas, c'est un réalisateur bien moins expérimenté que Fatih Akin, donc on va dire que c'est parce qu'il a pas fait grand-chose qu'au contraire de Fatih Akin, il a pas encore conquis les festivals internationaux. Mmh. On va dire que c'est pour ça. En 2019, il a réalisé The Vigil, déjà pour Blumhouse, et sinon il a fait un épisode de la série Le Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro, l'épisode Le Modèle, qui est adapté d'une nouvelle de H.P. Lovecraft. C'est vrai qu'il va vraiment falloir que je regarde. Je l'ai toujours pas vu alors que tout le monde en dit du bien. Ouais, moi aussi un jour, vu que c'est un truc d'anthologie, ça peut passer, je pense. Oui, un épisode égale un court-métrage, quoi, en gros. Voilà. Et il est co-scénariste de La Malédiction, l'origine, ça non plus, j'ai pas encore vu. C'est un film beaucoup trop récent. Et moi, je t'avais dit du bien, par contre, en off. Ouais, et je crois que je l'ai en plus. J'ai de la famille qui me l'a envoyé. Ah. Le casting est annoncé petit à petit, et donc nous allons mentionner, les personnages principaux. Charlie est joué par Ryan Kira Armstrong, qui faisait des apparitions dans des séries et dans des films depuis ses 7 ans. Elle apparaît par exemple dans la série Anne with a Knee, que je ne connais pas, mais qui a d'excellentes notes. Et en fait, on l'avait déjà vue, nous, parce qu'elle est dans une des rares scènes bien de ça, chapitre 2. C'est elle qui joue la petite fille avec une tache de naissance qui est dévorée par Gripsou sous les gradins d'un stade. Ah oui, d'accord. Effectivement. Une des rares scènes vraiment chouettes du 2. Oui, oui. Et depuis, elle a une carrière qui se développe sacrément. Elle a un des rôles principaux dans la première moitié de la saison 10 d'American Horror Story, parce qu'apparemment la saison 10 est divisée en deux moitiés qui racontent chacune une histoire différente. Elle est dans Star Wars The Skeleton Crew. Et elle sera le rôle principal de la suite reboot de Buffy, dont la prod vient juste de commencer, ça vient d'être annoncé. Ouais, ouais. J'en ai entendu parler. Bon, après, j'ai déjà pas regardé l'ancienne série Buffy, donc je m'en fous. Non, moi non plus. Mais tant mieux pour elle, si elle a une carrière. Andy est lui joué par Zac Efron, un acteur qui avait commencé sa carrière ado par des apparitions dans des séries télé et qui avait été popularisé par High School Musical. Même si je suis tombé sur tout un débat sur le fait qu'apparemment il y a plein de monde qui a été déçu parce que dans High School Musical, c'est pas lui qui chante, il est doublé, voilà. Okay. Et il continue avec des films musicaux en jouant dans Hairspray, là c'est lui qui chante. Il tente de se diversifier à un moment avant de passer à un bon moment en étant acteur, surtout dans des comédies du type Nos Pires Voisins, Célibataire ou Presque, Dirty Papi, Baywatch. Bon, pas des trucs... Non, pas des trucs, hein, qu'on... Voilà, hein. Pas des trucs qu'on affectionne vraiment. Voilà, c'est ça. Et il semble là de nouveau vouloir se diversifier depuis quelques années. Par exemple, dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en 2019, il joue Ted Bundy, qui n'est pas exactement le mec le plus marrant du monde. Non. Où il est aussi dans The Greatest Beer Run Ever et Iron Claw, plus récemment. Iron Claw qui est un biopic sur des catcheurs. Donc il semble vouloir un peu diversifier ce qu'il fait, et Charlie en est une nouvelle démonstration, puisque c'est son premier film d'horreur. Oui, et puis en plus, il n'a pas du tout une once de comédie dedans. Voilà, c'est ça. Son épouse, Vicky McGee, donc la mère de Charlie, est interprétée par Sydney Noël Lemon. J'ai noté qu'elle est dans un film tourné mais abandonné appelé The Mothership avec Halle Berry, qui serait sorti sur Netflix s'il était sorti, mais la post-production n'en finissait pas, donc c'est un truc abandonné. Et sinon, elle a beaucoup de second rôle, à part un rôle plutôt principal dans une série appelée Hellstrom, qui est produite par Marvel Studios, mais qui ne fait pas partie du MCU. Oui, je ne sais pas si tu connais, du coup. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ça n'avait pas l'air très bien. Non, alors pour l'histoire, c'est deux sœurs. Il y en a une, c'est... Enfin, les deux sœurs, filles d'un serial killer et d'une femme possédée par un démon. Bon, bah, la famille, c'est pas simple. Et elle mène des enquêtes, et c'est une série à arrêter. Mais elle est active sur scène comme actrice, donc voilà. Voilà. Rainbird est joué par Michael Greyes, ce qui veut dire que, au moins cette fois, contrairement à la première adaptation et à Firestarter sous l'emprise du feu, Rainbird est vraiment joué par un acteur natif américain, c'est déjà pas mal. Dans les années 90, c'est un acteur qui est principalement actif, enfin c'est pas un acteur du coup, parce qu'il est principalement actif en tant que danseur de ballet à la base, et il reste très actif encore aujourd'hui en tant que danseur et chorégraphe, avec pas mal la volonté de mettre en avant la culture ou les cultures natives américaines à travers des spectacles transdisciplinaires et interculturels. En fait, ça a l'air assez chouette, hein, ce qu'il fait, mais bah, du coup, c'est surtout sur scène et aux États-Unis. Et au cinéma, et dans des séries, il est surtout dans des seconds rôles, dans... Plein de trucs, on peut mentionner la saison 3 de Fear the Walking Dead et la saison 3 de True Detective. Et pas mal d'apparitions par-ci par-là, voilà. Ok. Jen Hollister, donc le capitaine Hollister, qui est un homme dans le roman et le rôle est ici féminisé, est joué par Gloria Ruben, qui est une actrice importante dans Urgence, dans les premières saisons d'Urgence apparemment, surtout. Donc ça, je me suis dit que tu devais connaître. Oui. Je vois plus qui elle joue, par contre. Apparemment, c'est un rôle plutôt pas mal présent. Alors, qui elle jouait? Je vois même pas qui c'est. Comme personne. Ah bah. C'est lointain. Bon, bah, c'est... Apparemment, le personnage a marqué du monde, pourtant. Bah d'accord. Mais pas toi. Pourtant, c'est une série que j'ai suivie à l'époque, mais enfin après, tu me diras... C'est une série qui commence à dater, maintenant. À l'époque, ça commence à faire 20 ans, oui. Voilà, et si elle n'a pas fait toute la série, même. Urgence, ça a duré de camp à camp, Urgence. Ça a terminé en 2009. Ça a duré une dizaine d'années, c'est ça? Oh, même 15, parce que ça a fait 15 saisons, il me semble. Ouais, 15 saisons. Et donc, c'est un souvenir lointain, surtout que, bah, comme la majorité des séries, même comme toutes les séries, je l'ai vu qu'une seule fois. Je ne re-regarde pas les séries, parce que c'est tellement long. Oui, je peux comprendre, effectivement. Moi, des fois, il y en a que j'ai revus, mais c'est vraiment des trucs que j'adore, et c'est les seules séries que je regarde encore, au final, même. Et quoi qu'il en soit, Urgence, c'est une excellente série. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment des bons souvenirs de l'ensemble de la série, et j'ai même des passages qui me restent en tête, quoi. Bah, c'est une série qui a marqué la télévision, hein, j'ai l'impression, Urgence, ouais. Ouais, surtout pour tout ce qui est effets spéciaux, que ça a quand même mis un bon coup de pied à l'étrier, surtout pour les scènes d'opération, quoi. Ouais. C'est quand même assez dégueulasse, il faut le dire. Ouais, c'est ce que on m'en disait quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai jamais vu à l'époque, je pense. En même temps, j'étais vraiment petit aussi à l'époque voilà. d'urgence. Et donc elle, si je comprends bien, elle aurait été dans la série de 95 à 99, puis en fait, elle serait revenue en 2018. Donc tu vois, c'est même encore bien plus lointain que la fin de la série. Ouais. Ça peut expliquer que tu ne te souviennes pas. Effectivement, on peut l'excuser. Voilà. Elle a joué aussi plus récemment dans Lincoln de Spielberg, par exemple. Je n'ai pas vu. Moi non plus. Oneless, enfin je crois pas en tout cas. Oneless est joué par Kurtwood Smith, c'est le docteur qui menait les expériences sur les parents de Charlie justement. Mm. Et il apparaît vraiment peu dans cette version. On peut mentionner que c'est le père de Neil, donc l'ado le plus mis en avant dans le cercle des poètes disparus. Et du coup, oui. Neil qui est joué par Robert Sean Leonard, qui du coup jouera plus tard dans Doctor House, tant qu'on est dans les séries médicales. Le monde est petit. Et ouais, n'est-ce pas hein. J'ai oublié le nom de son personnage dans Doctor House, alors que c'est un des personnages principaux. C'est le pote de Wilson. Oui, Wilson. Voilà. Bah oui. Puisque c'est le parallèle entre Sherlock. Oui, bah oui, ça commence. Watson. Effectivement, ça fait comme Watson en plus. Voilà. Je suis bête. Et Kurtwood Smith joue aussi dans Robocop. Il joue un des méchants criminels dans Robocop. Mm. Et enfin, Irv Menders, le fermier qui à un moment... alors dans le roman, vraiment aide Charlie et son père. Dans ce film, c'est un peu plus compliqué. Il est joué par John Beasley. C'est son dernier rôle au cinéma, pas de chance. Et surtout, il a surtout été actif à la télévision dans Everwood, par exemple. Les dates de tournage annoncées par l'IMDB sont très short, parce qu'il y a un tournage apparemment du 25 mai au 13 juillet 2021, c'est quand même pas beaucoup, avec un budget de 12 millions, ce qui n'est pas énorme non plus, parce qu'en fait 12 millions c'est le même budget que le Charlie d'origine, sauf qu'entre-temps il y a eu 40 ans d'inflation quoi. Ouais. En fait, et du coup, ça m'a rendu curieux et j'ai calculé, en tenant compte de l'inflation, le budget du Charlie d'origine serait de 31 millions en 2021, donc au moment du tournage de ce Charlie-là, ce qui veut dire que cette nouvelle version a un budget quasiment trois fois moindre que l'original, qui est déjà considéré comme fauché par pas mal de monde. Mm. Donc bon, est-ce que ça pouvait bien se passer? La question se pose. La bonne question, auquel vous aurez la réponse bientôt. Ouais. La photo est de Karim Hussein, un Canadien, surtout directeur photo, mais qui, en début de carrière, a été réal. Il a fait, par exemple, Subconscious Cruelty, un film d'horreur gore surréaliste tourné sur plus de 5 ans, entre 94 et 99, et sorti en 2000. Apparemment, c'est pas très bien, mais ça m'a rendu curieux. C'est-à-dire, ça a l'air curieux, même si pas bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il maîtrise le français, donc il est régulièrement sur des trucs français. En fait, le dernier film qu'il a réalisé, c'est même en français, c'est un film appelé La Belle Bête. Et on peut dire que c'est le directeur photo de Brandon Cronenberg sur quasiment tous ses projets, si ce n'est tous ses projets, ou du deuxième Esther, qui est sorti il y a quelques années. D'accord. Qui est pas... voilà. Pas... Moi, je le trouve sympa, le deuxième Esther. Ouais, ouais. C'est pas un grand film, mais je trouve ça sympathique. Le premier lui est tellement supérieur, mais je me suis vraiment ennuyé quoi sur le deuxième. Ah ouais, moi j'ai passé un moment agréable, même si évidemment le premier est largement supérieur, oui. Et puis bah je sais pas, ça, ils ont repris la même actrice et bah ça se voit qu'elle a vieilli quoi. Alors qu'elle est censée jouer Esther plus coup, jeune. Effectivement, ouais, ça se voit que elle peut plus jouer vraiment une enfant. Hein. Voilà. Et vraiment ça m'a perturbé. Ouais, moi c'est la magie du cinéma. Ah oui. La musique est d'un trio bien connu, puisqu'il s'agit de John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davis. Alors, c'est rigolo parce que Daniel Davis, c'est le filleul de John Carpenter et c'est le parrain de Cody Carpenter. Mmh. Et une affaire de famille. Voilà, c'est ça, comme dirait Koreeda. Voilà. Les deux musiciens ont une carrière solo, Cody et Daniel, mais ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent en trio. Les albums Lost Sims, par exemple, ou les BO des trois Halloween récents, c'est déjà un travail de ce trio-là. Mm. De manière amusante, dans les années 80, pendant un temps, John Carpenter avait été attaché à la réalisation de Charlie, mais ça n'avait pas abouti. En partie parce que il y avait eu des réserves autour de l'échec d'un de ses films, ouais, appelé The Thing. Voilà. Un petit film. Bon, voilà, on a un peu oublié The Thing, effectivement, maintenant. Ah ouais, c'est... Et du coup, à la place, il avait fait Christine. C'est faux, bien entendu, hein, The Thing est un chef-d'œuvre. Il faut le hurler. Oui, bien sûr, bien entendu. Après, cela dit, un Charlie par Carpenter, j'aurais été curieux de voir ça. Oui, je pense qu'il aurait pu faire du très bon travail hein, sur Charlie Carpenter. Ça aurait été très intéressant. Et là, sa BO, bah, c'est pas la meilleure BO et les meilleures musiques du trio, mais je trouve que ça fait le boulot, surtout dans la deuxième moitié, en fait, à partir du moment où les thèmes les plus marqués arrivent vraiment. Je trouve que ça devient une vraiment chouette BO. La première partie est un peu plus ennuyante, mais si vous aimez le style de Carpenter et ses comparses, ça devrait être votre gamme. Le réalisateur dit que, en fait, vu que le film de 84 était très fidèle au roman, justement, il a pu s'accorder plus de liberté, et ça, effectivement, on verra qu'il y a pas mal de différences. On va au moins s'attendre de faire autre chose, on va dire ça comme ça. Par contre, la promo va carrément tenter de jouer sur le souvenir du film original, hein, parce que l'affiche, on va pas me faire croire que c'est un hasard si c'est quasiment la même. Oui. Dans les deux cas, il s'agit de Charlie et en plus les deux gamines. Alors, c'est pas qu'elles ont le même visage, mais avec leur coiffure, leur couleur de cheveux et compagnie, elles se ressemblent quand même beaucoup, vu d'un peu loin. Mais oui. Les deux affiches, voilà, c'est des flammes à l'arrière, les actrices qui regardent de face, l'air menaçant, cheveux un peu au vent. Bon, bah voilà, ça va... c'est la même affiche, quoi. C'est un remake de l'affiche. Oui, c'est exactement pareil. Le film sort simultanément au cinéma et sur Peacock le 13 mai 2022. C'était l'époque où on se disait que c'était une bonne idée de sortir les films à la fois en salle et sur une plateforme. Ouais, ils s'en sont tous mordus les doigts. Hein. Ah ouais, ça, tout le monde en est revenu de cette histoire. Là, le streaming plus le ciné, yeah, ça a marché pour rien. Ah oui, si, il y a que... c'était Kong versus Godzilla, je crois, qui avait fait énormément d'entrées, justement, mais c'est le seul. Ah oui, effectivement, peut-être. Les vues sont estimées à 2 millions de foyers sur la première semaine d'exploitation pour la VOD. Au final, le film va rapporter un peu moins de 10 millions sur le sol américain et un tout petit peu plus de 5 à l'international. Donc ça fait un total de 15 millions pour un budget, rappelons-le, de 12. C'est vraiment pas foufou. Non, il se rend bourse. D'autant qu'il est très mal... ouais, encore avec le budget promo voilà. Et tous ces trucs-là. Oui, il doit à peine se rembourser, hein, avec un peu de chance. Il est très très mal accueilli par la critique qui lui reproche bof, à peu près tout en fait. Hein, son scénario, ses effets spéciaux. Il n'y a que la musique qui est bien accueillie par les critiques de musique de film. Et encore, tout le monde est à peu près d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas considérée comme un des classiques des compositeurs. Donc bon, voilà. Et actuellement, il a 1,9 étoiles sur Allociné, ce qui le place 72e à égalité avec Un Tour sur le Bolide, Conte Macabre et La Créature du Cimetière, et 10% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 85e à égalité avec Le Cobaye 2 entre Les Démons du Maïs Genesis et Les Démons du Maïs 2020, parce que les deux ont la même note, rappelons-le, ça n'a aucun sens, et The Mangler 2. Il y a une petite polémique qui naît parce que Ryan Kira Armstrong a été nommé pour le Razzie Award 2022 de la plus mauvaise actrice, ce qui fait beaucoup râler à cause de son jeune âge, ce que je trouve assez légitime. Et John G. B. Wilson, le directeur des Razzie, prend en compte ses reproches et va présenter des excuses publiques. C'est un peu tard, mais c'est plutôt pas mal. Et depuis, il y a une limite d'âge, en fait, pour être nommé au Razzie du pire acteur ou de la pire actrice. Mm-hmm. Et donc, le Razzie de la pire actrice 2022 est donné à la cérémonie Razzie elle-même pour le pire choix possible de nomination. Okay. Ça, je trouve ça un peu rigolo. C'est vrai. Après, est-ce qu'on peut quand même dire que globalement, les Razzie Awards, c'est quand même de la merde. Ouais, globalement, j'aime pas tellement non plus, ouais. Voilà. Stephen King parle assez peu du film. En fait, même dans une interview promo que j'ai trouvée au sujet du film, il revient surtout sur le roman et sur le fait qu'il apprécie désormais plus le film de 84 qu'à l'époque où il était assez tiède le concernant, mais il dit pas grand-chose sur la nouvelle version. La seule chose qu'il dit en compliment, et c'est pas grand-chose, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est que de faire d'Andy une sorte de coach est une bonne idée pour lui faire utiliser ses pouvoirs dans le roman. Il est prof, Andy. Le réalisateur laisse penser qu'il pourrait y avoir des suites au moment de la promo, mais bon, vu l'échec du film, je doute que ça arrivera. Merci. Et on peut mentionner qu'il existe une fin alternative que vous pouvez voir sur YouTube, où c'est quasiment la même chose, à part les tout derniers plans où Charlie part toute seule après avoir laissé vivre Rainbird. Et c'est juste, elle s'éloigne sur un chemin où il y a des arbustes qui prennent feu. Et bon, bah c'est nul aussi. Hein, ça change absolument rien, sauf qu'elle part pas avec Rainbird. Quoi. Et tout. Oui, du coup, c'est un peu moins improbable, mais c'est quand même pourri. Donc... Je sais voilà. pas. Ouais. Je m'en fous. De toute façon, à ce stade du film, je m'en fous. Hein, spoil. Bah, il y a le générique, donc on est libre. Ouais. On est libre. Allez, rends-toi, Charlie. Papa. Et personne ne sera blessé. Laisse-la. Tu sais le mal que ça fait de blesser quelqu'un, de prendre une vie. Tu exigerais ça de ta propre fille. Est-ce que tu ressens ça? Libère-la ou ça va être encore pire. Où est maman? Elle ne peut pas viser les yeux fermés si elle est comme nous. Où est ma femme? Où est maman? Je ne sais pas, ma chérie. Oui, tu le sais. Où est maman? Dis-la-moi! Maman! Mais on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Eh ben, c'était pas bien. Faut pas tourner autour du pot. C'était totalement nul. En fait, c'est simple. Tu prends un roman, tu l'essores de toute sa substance, et tu gardes juste le pitch de base, c'est-à-dire une gamine avec des pouvoirs, son père avec des pouvoirs qui sont poursuivis. Voilà. C'est littéralement ça. Et t'as supprimé tout ce qui donne de la profondeur au personnage, au rythme... et à cet univers, pour qu'il n'en reste que des coquilles vides. Voilà. Ouais, alors moi, en fait, Charlie, ça me fait penser à, tu sais, ce mème utilisé pour des séries où t'as un cheval de plus en plus dessiné au fur et à mesure, parce que je trouve que ça commence vraiment pas mal. En fait, toute la partie avant le début de la fuite, où ça présente Charlie bébé, le danger qu'elle représente, ses parents qui sont pas d'accord sur comment gérer ses pouvoirs, c'est vrai que le rêve, au début, quand elle est enfant, c'est plutôt bien mis en scène. Il y a déjà des problèmes, c'est un peu cheap et tout, mais grosso modo, cette première demi-heure, un peu moins peut-être, elle fonctionne vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'elle prend de la place et que le film dure 1h30 et que donc après, ouais, c'est hyper rushé, ça devient trop rushé, mais presque tolérable jusqu'au moment où Andy est capturé par la boîte. Mm. Mais déjà, c'est pas très bien, ça devient une série B pas top. Et par contre, à partir de la boîte, c'est n'importe quoi, parce que déjà scénaristiquement, ça devient nimp. Et puis tu sens qu'il y a tellement pas d'argent dans cette histoire, c'est triste. Le couloir de la boîte, c'est vraiment un parking vide. Ah oui, j'ai travaillé dans les archives d'un ministère, il y avait plus de monde dans les couloirs que dans ceux de la boîte, quoi. Ça fait très série télé de la CW, oui, effectivement. Sans budget. Même dans les séries télé de la CW, ils auraient trouvé, le technicien de surface à mettre dans le décor pour faire semblant, quoi. Là, il n'y a rien, il n'y a même pas un petit panneau, il n'y a même pas un petit autocollant pour décorer. Non, mais c'est vrai que le début, vouloir développer surtout le personnage de la mère qui n'est pas du tout présent dans le roman, parce qu'elle meurt très très vite, c'est plutôt une bonne idée. On la voit un peu dans les flashbacks, ouais. Voilà, on la voit que via des flashbacks. Là, c'est plutôt une bonne idée. Ça permet d'avoir des petites scènes entre elle et Charlie, notamment la scène où Charlie la brûle, parce que la mère en peut plus et du coup s'énerve, et du coup ça crée un énervement chez Charlie, parce que c'est une enfant et qu'elle contrôle pas. Ouais. Voilà, ça donne de bonnes choses. Le problème, c'est que comme tu dis, ça bouffe déjà 15 minutes sur un film qui dure que 1h30. C'est quand même un gros problème. Bah, le roman, on peut mentionner ce gros changement de structure entre le roman et le film. Déjà, c'est que le roman, il débute in medias res. On débute directement sur la fuite de Charlie et de son père. Et c'est oui. progressivement qu'on va apprendre un peu ce qui s'est passé. Tandis que le roman, il est chronologique. Oui. Dans le film, il est chronologique. Il fait tout dans l'ordre. C'est vrai que les expériences sur les parents, enfin, pas que sur les parents, sur un énorme groupe d'adultes, nous est compté au fur et à mesure du début du roman. Ouais. La fuite est entrecoupée. Là, pareil, le résumé des expériences dans le générique de début, alors c'est très convenu hein, d'utiliser les cassettes pour ça, mais je trouve que c'est assez efficacement fait, tu vois. Oui, c'est fait un petit peu en... comment ça... En full footage. C'est oui, fait c'est en, ça. En espèce de full footage où on nous montre les enregistrements. Il y a, d'ailleurs, dans toute cette introduction des passages un peu cultes du roman, je pense notamment à la cobaye qui, à un moment, s'arrache les yeux. On le voit, ça, dans le générique. Ouais. Alors que c'est un passage assez fort, justement, du roman, ce moment-là. Ouais, quand l'expérience dégénère, ouais. Ouais, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que je trouve ça un peu trop expéditif. Mais est-ce que c'est expéditif parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas faire un film long, ou est-ce que c'est expéditif parce que ils voulaient pas vraiment plus que ça rentrer dans le détail des expériences de la boîte. Bah, à la limite, même peut-être dans le manque un de film plus long, je veux bien comprendre qu'ils rentrent pas particulièrement dans cet aspect-là, qui est finalement secondaire par rapport à l'histoire principale. Mais le truc, c'est que ça rentrera pas dans grand-chose d'autre. Donc. Voilà. Du coup, c'est peut-être aussi probablement un problème de budget. Oh bah ça, de toute façon, ça a dû jouer à plein de moments, hein, le budget. Parce que ne nous voilons pas la face, c'est une bonne idée, mais l'utilisation du phone footage pour ce moment-là, c'est clairement un cache-misère. Oui, nettement. Comme t'as dit, effectivement, le début avec Charlie Bébé, ça marche bien et ça pose bien que, ça pose bien le problème que pose Charlie en elle-même, c'est que c'est une arme nucléaire sur pattes, en fait, oui. Charlie. Il y en a un qui, je crois que c'est le docteur qui le dit à un moment, dans le roman et dans le film. Charlie, en fait, c'est une bombe nucléaire, oui, techniquement. Et effectivement, gamine à 8 ans, elle est ultra dangereuse si elle ne maîtrise pas ses pouvoirs. C'est ça. Alors oui, quand c'est un nouveau-né, comme dans la scène d'introduction, et c'est pour ça que c'est bien foutu, qui ne contrôle pas du tout ses pouvoirs, forcément, parce que ça ne contrôle pas ses émotions, c'est d'autant plus dangereux. Oui. Ça mène à ce débat que je trouve intéressant entre les parents où chacun a un point de vue différent sur comment on fait pour empêcher ça, où Andy c'est tu caches tes pouvoirs, tu ne les utilises jamais, t'enfuis tout ça, tandis que la mère elle est plus dans l'optique de toute façon elle les a, elle ne pourra pas faire comme si elle ne les avait pas, donc il faut lui apprendre à les maîtriser. Oui, en sachant que la peur d'Andy lui vient du fait que lui quand il les utilise il morfle après, il a le nez qui saigne, il a des douleurs au niveau de la tête, il sent son corps partir en couille dès qu'il utilise ses pouvoirs, ouais. Et c'est pour ça qu'il veut pas que Charlie les utilise, parce qu'il a peur que l'utilisation de leurs pouvoirs à eux soit les mêmes que pour elle, et donc leur fasse du mal. Ouais. Même si je pense qu'il n'y a pas que ça chez Andy, et qu'il y a une peur générale de Charlie elle-même aussi. C'est rigolo, alors je sais pas si c'est volontaire de la part du film, je sais pas jusqu'à quel point je vais accorder du crédit au scénariste, mais on peut presque... En fait, on peut complètement y voir une sorte de métaphore de l'éducation des petites filles et des adolescentes, où la mère a plus un point de vue féministe, tandis que le père a un point de vue assez patriarcal sur la situation, où enfuit tout ce qui fait ta particularité, tandis que la mère, elle est plus dans faisant une force. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas si je vois trop loin dans cette histoire-là, pour le coup... Toujours est-il que c'est une dimension intéressante, de même qu'un des éléments de modernisation qui est que Charlie a grandi quasiment en mormone, en fait. Ses parents ont un peu utilisé ça comme excuse d'ailleurs, sans ordi, parce qu'un ordi ça se piste et les parents sont légitimement ultra méfiants du gouvernement, ce qui est un aspect qui était évidemment absent du roman de 80, du roman d'origine et du film de 84. Oui. Le roman se passe dans quelles années déjà ? Je ne me souviens plus, dans les années 70. Années 70, au moment de son écriture, donc milieu des années 70. Oui, voilà. Mais donc voilà, toute cette première partie marche bien. Moi, pour moi, le premier truc où ça retombe vraiment, déjà, c'est quand on découvre justement les premiers plans sur la boîte et où on se rend compte que il n'y a pas l'argent, quoi. Il n'y a vraiment pas l'argent. Et... je suis désolé, c'est bien d'avoir pris un acteur natif américain, mais Rainbird, c'est une catastrophe. Alors, le personnage, parce que je trouve que l'acteur, lui, dégage quand même quelque chose. Oui, oui, pour le coup, oui, même si du coup, il n'a pas grand-chose d'autre à jouer que de parler d'une voix grave et menaçante. Voilà, donc, mais du coup, ça n'a pas tellement marché sur moi, mais c'est pas de sa faute à lui. Oui. Voilà, le problème, c'est plus ça, parce que lui, je trouve qu'encore, en termes de charisme, il dégage un petit truc. Mais déjà, rien que sa première apparition, il est dans une espèce d'appartement tout miteux avec des dessins un peu partout et du gros métal. Tu fais, mais qu'est-ce que ce bordel? C'est complètement le cliché du tueur retiré qui va faire une dernière mission, ouais. Voilà, c'est une idée. Loin. Qu'est-ce que je regarde? Je ne comprends pas. Donc oui, le personnage de Rainbird est un énorme gâchis. Ouais. Ça amène l'idée que Rainbird a aussi été sujet d'expérience de la boîte et que donc il a des pouvoirs dans cette version, oui. Notamment, alors qu'on en découvrira plusieurs, notamment un truc qui est pas utilisé en réalité, c'est qu'il peut lire l'avenir peut-être, parce que si tu regardes les dessins qu'il a fait au début, il y en a un, c'est l'image de fin en fait, c'est lui qui s'éloigne avec Charlie. Ah, j'ai pas fait après gaffe. Ça sert à rien dans le film et si on le prend en compte ça amène juste plus d'interrogations et plus de contresens. Ah oui, du coup on peut se rappeler qu'il y avait déjà des histoires de lire l'avenir dans Firestarter sous l'emprise du feu. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas il lit dans les pensées par contre. Oui, effectivement, alors ça va être un gros truc, les pouvoirs, c'est que le pouvoir de lire dans les pensées, tout le monde va l'acquérir, y compris Charlie elle-même. C'est très confus au niveau des pouvoirs qu'ont chacun, alors que dans le roman, vraiment, Charlie, elle a la pyrokinésie, mais elle a que la pyrokinésie, c'est déjà bien suffisant, étant donné que c'est une méga tueuse. Bah oui, c'est très confus dans les pouvoirs qu'elle a, en fait, parce qu'il y a des moments où t'as l'impression qu'elle peut contrôler les gens comme son père, enfin non, c'est même pas une impression, c'est elle le fait. Elle contrôle les gens comme son père. Oui, elle le fait même mieux que son père. Voilà, elle semble avoir également de la télékinésie comme sa mère. C'est très bizarre, quoi. Ouais, elle a un peu tout à la fin. Ça, sans avoir vraiment entraîné ses pouvoirs, sans avoir rien fait pour évoluer, parce qu'il n'y a pas le temps, donc il n'y a pas de progression. À la fin, c'est le phénix dans les X-Men, quoi. C'est n'importe ouais. quoi. Et le phénix de X-Men 3, pas un bon phénix. Ah oui, non, voilà. Voilà, c'est ça. Le phénix low cost. Donc, c'est Rainbird qui va déclencher la fuite d'Andy et de Charlie et qui va tuer la mère. Vicky dans un combat très brouillon. Oui. Ça, c'est une différence par rapport au roman. Dans le roman, c'est des agents standards. À ce stade-là, Rainbird n'est pas encore entré en scène au moment de la fuite d'origine, oui. Normalement. Il arrive bien après. Ouais. Ouais, mais bon, ça, admettons, pour le coup, ça permet de resserrer l'intrigue. C'est un choix d'adaptation qui passe. Bon. Oui, clairement. Il est juste très très con. Parce que quand tu menaces une enfant qui est capable de foutre le feu et que tu planques ta tête, tu fais en sorte en fait qu'elle ne puisse pas te voir, et il le dit clairement, son pouvoir ne fonctionne comme nous tous que sur les gens qu'on peut voir, donc il se cache d'elle, mais elle fout le feu, mec. On s'en fout en fait, qu'elle te voie ou pas. Bah oui, c'est ça. Elle fout le feu à la pièce et puis t'es niqué quoi qu'il arrive, c'est complètement con. Et puis il sait qu'elle est puissante, vu que l'incident qui les a alertés, c'est l'explosion dans l'école, ouais. Où Charlie a fait bouillir toute l'eau des tuyaux, parce qu'elle elle se fait bully par ses camarades, et pour soulager sa colère, elle a fait bouillir toute l'eau des tuyaux, et elle a quand même déclenché une explosion. Oui, c'est ça. Il y a un petit du côté... Coup, y a un petit du côté, du coup, tout le monde la prend pour une poseuse de bombes. Il y a un petit côté Carrie, hein, au début du film, quand elle se fait bully par d'autres élèves. Oui, complètement, mais ça peut être assez cohérent avec le personnage, pour le coup. Oui, et puis avec la modernisation du récit. Mais de toute façon, les comparaisons entre Charlie et Carrie, de base, King les avait faites lui-même, en fait, au sujet du roman. Il y a une période dans l'écriture du roman, il s'inquiétait qu'il y ait trop de similitudes entre les deux persos, justement. Donc c'est normal qu'on puisse faire des comparatifs, je pense. Oui. Tu es une jeune fille très déterminée. Cette détermination te rendra toujours plus forte. J'en sais quelque chose. Vous faites le mal ici, je le sais. Non, on fait de grandes choses. On rend la vie encore meilleure. On améliore la vie de beaucoup de gens. On les rend plus forts. Des gens comme toi. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Tu es une super héroïne. Une héroïne en chair et en os. Papa. Tu es très spéciale. Le monde extérieur n'a aucune idée de comment gérer ton pouvoir. Mais ici, on sait le faire. Parce que nous t'avons créé. Regarde ton père. Ils disent que s'il faisait une poussée de plus, ça pourrait le tuer. Tu as besoin de nous. Je veux faire de mal à personne. Je le sais, ma chérie. Je le sais. Mais il faut que tout ça finisse. Je veux que tu brises ta promesse. Papa. Tu dois tout brûler, en commençant par nous. Papa, pourquoi tu... Pardon de t'obliger à faire ça. Mais donc c'est à partir de là que le film commence vraiment à se dégrader. Il va rester quelques bonnes scènes par-ci par-là, mais ça va largement se limiter. Par exemple, techniquement, quand elle brûle le chat, je trouve ça en soi intéressant. Encore une fois, ça montre quel danger elle peut représenter, et je comprends l'idée de la pousser à achever le chat derrière. Mais bon, ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe dans l'intrigue que bah, oui. Ça marche pas vraiment, quoi. Bah oui. Normalement, ça aurait dû être une scène qui aurait fait évoluer le personnage et lui apprendre l'empathie, lui faire rappeler ce qu'elle a fait elle-même à sa mère plus tôt dans l'histoire, mais non. C'est pas utilisé de la sorte. C'est juste utilisé pour dire « bah elle est dangereuse ». Oui, bah ça, on le savait. Oui, voilà. Et si, ça reviendra après, à la fin, mais ce sera avec un homme où elle se rappellera les paroles de son père. Donc il faut pas laisser souffrir. Oui, mais bon. Mais bon, c'est pas bien quand même, quoi. Oui, voilà, c'était pas très utile. Non, clairement pas. Après, les effets spéciaux en tant que tels, les effets de brûlure sont pas dégueulasses. Les brûlures en elles-mêmes, oui, ça va. Les effets de feu, je suis un peu plus mitigé. Il y a des effets spéciaux qui sont pas tout au top, hein, je trouve. Non, en fait, ce qui est dégueulasse surtout, c'est quand la caméra est proche d'elle et tu sais que t'as des espèces d'ondes qui émanent de son corps. Là, c'est vraiment dégueulasse, par contre. Mais très souvent, le feu en lui-même est bien fait, vu que c'est du vrai feu. Forcément. Oui, c'est fait, ouais. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est les ondes un peu... et les ondulations de chaleur aussi, qui sont... pas des très bonnes incrustations, quoi. C'est aussi à partir de là qu'on découvre un peu plus la boîte, et donc principalement la capitaine Hollister, dans cette version-là. Ouais. Qui est un peu ambiguë, elle a l'air un peu sincère dans sa curiosité sans méchanceté et dans son envie de protéger Charlie d'elle-même. Encore une fois, ça aurait pu être un truc intéressant, sauf que ce sera pas assez développé. Ah oui, même pas du tout. Oneless, le docteur, lui, il va très peu apparaître. Alors lui, il a peur des pouvoirs et il dit qu'il faut absolument tuer Charlie, donc c'est aussi le rôle qu'il a dans le roman, mais comme il apparaît très peu, pareil, on s'en soucie pas plus que ça, au final. Ouais, c'est vrai. Ils auraient même mieux fait de même pas le foutre dans le film, ça aurait gagné du temps pour développer d'autres trucs, quoi. Oui, voilà, parce qu'il y a une scène avec lui où il dit juste « Méfiez-vous, vous jouez avec le feu, wink wink », mais ça sert pas à grand-chose, ouais. Donc, en fait, on a l'impression que c'est plein de trucs qui auraient dû resservir plus tard dans l'intrigue, mais qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient 100 pages de scénario qu'ils n'avaient pas le temps de tourner, et du coup, ça a été abandonné. Ah oui, c'est ça. C'est comme tout le passage avec... juste après le chat, là, quand ils sont pris en autostop, ils font de l'autostop. Ouais, par Irv, donc. Voilà. Et t'as toute l'histoire avec sa femme qui est complètement légume dans la pièce d'à côté, et en fait, on s'en fout, quoi. Ça bouffe juste du temps, quoi. Bah oui, je sais pas où ça veut mener. Ça veut mener, je pense, au fait que Charlie se rend compte qu'elle est capable de lire dans la pensée des gens. Mais bon, comme c'est un aspect qui me laisse entièrement dubitatif, pourquoi ? Bah voilà. Ça aussi, ça aurait dû être supprimé pour développer d'autres trucs, quoi. Enfin, ouais. Pour mieux développer d'autres trucs. Déjà que le personnage en tant que tel, Irv, bon, bah voilà, quoi. Pas bien passionnant. Ouais, il est pas top dans cette version-là. Surtout que je trouve qu'un... Pour le coup, alors, c'est un choix d'adaptation, je dirais pas ça si j'avais pas lu le roman, mais je trouve qu'un des intérêts de Irv, c'était justement qu'il était vraiment gentil, pour le coup. Ah oui. T'es vraiment le bon gars, quoi. Ça reprend, pour le coup, dans un autre contexte, une scène du roman où Charlie a été enlevé par des agents quand elle était petite et que Andy la récupère et pousse les agents à s'entretuer. C'est un truc qui arrive au moment de leur fuite, dans le roman, normalement. Et c'est pour ça que Andy a peur de son pouvoir depuis. Je comprends qu'à moitié, encore une fois, ça va trop vite, parce que oui, ok, il se rend compte que son pouvoir peut le servir à tuer s'il faut. Sauf que là, il voulait enlever sa gamine, quand même. Peut se dire qu'il a pas tué des innocents. Non, et puis c'est toi qui décides. Certes, quoi. Tuer, c'est pas bien, on peut reprocher plein de trucs, mais il a l'air de croire qu'il s'est attaqué à des innocents, qu'il avait une famille et tout. Bon, c'était pas tellement le cas, quand même. Non, et puis surtout, se reprocher, bah, c'est lui qui leur a donné l'ordre, quoi. Il peut très bien utiliser son pouvoir sans tuer personne, en fait, vu que, littéralement, il fait faire ce qu'il veut aux gens s'il a pas envie de les... Oui, mais c'est pour ça qu'il se reproche, il a peur de perdre à nouveau le contrôle et de dire à des gens de s'entretuer s'il se laisse aller à son pouvoir. Oui, c'est ça qu'il a peur, je pense. Il a peur de lui-même, au final. C'est ça, mais... Du coup, pour un personnage qui est censé être coach comportemental, bon, c'est bizarre. LOL. Après, tu sais, la majorité des coachs comportementaux, j'aimerais pas savoir comment ils se comportent, justement. Oui, non, mais c'est parce qu'on a l'exemple de beaucoup de gros psychopathes, en fait. Oui, tous. Est-ce qu'il y a un coach comportemental qui est quelqu'un de bien ? Je sais pas, j'en connais pas. Il y en a peut-être des bons, hein. Je crois que c'est par nature un métier. Je crois que coach, c'est par nature un métier de manipulateur. Hein. C'est d'ailleurs, ça m'a fait rire. Tu sais, quand ça a commencé à annoncer le résumé du prochain film de Yann Gozlan, le réalisateur de Boîte Noire. Oui. Où ça dit on découvre qu'un coach comportemental est en réalité un gourou psychopathe et que tout le monde a dit mais comment ça, c'est un twist. Oui, je suis assez d'accord. Bref, pour le coup, il y a une scène qui fonctionne pas mal, c'est l'arrivée de Rainbird quand il tue les flics, puis la façon dont Andy arrive à le manipuler pour lui faire voir une réalité qui laisse le temps à Charlie de s'enfuir. Ouais, ouais. Pour moi, c'est la dernière scène du film qui marche un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle fonctionne pas mal. Cette ferme un peu désolée, le décor est sympa. Et puis, c'est une bonne utilisation des pouvoirs. Parce qu'après, on passe au dialogue entre Hollister et Rainbird, où tout à coup, Rainbird est fasciné par Charlie, alors que, du coup, il retrouve sa place du roman. Rainbird, c'est son truc. Normalement, il a une fascination pour Charlie. Mais bon, dans le roman, en fait, il a une fascination à l'idée que Charlie meurt. C'est très étrange, sa relation avec Charlie. Il veut voir la puissance et la mort. Ce qui en fait un personnage très intéressant dans le roman. Là, le souci, c'est que ça sort de nulle part. Et ça va être une sorte de relation perfide-chelou. Il va se dessiner. Et puis surtout qu'il va se dessiner que sur 10 minutes de film, quoi. On comprend rien. Ça va tellement vite que tu comprends rien. Ça sort de nulle part déjà chez Rainbird et ça sortira encore plus de nulle part chez Charlie elle-même. Et puis même, les personnages agissent bizarrement à partir de ce moment-là. Rainbird, donc il veut choper Charlie, mais t'as les mecs de la boîte là qui débarquent, il l'embarque lui aussi, alors que c'est la boîte elle-même qui l'a mandité pour la retrouver. Et tu sais, il l'a enfermé et je me suis dit, pourquoi il l'enferme, je comprends plus rien. À ce moment-là, j'étais perdu. Hein. Peut-être parce qu'il a tué les flics. Je sais pas, c'est mal pris de tuer les flics. Surtout qu'il est censé agir discrètement. Effectivement, c'est pas remarquablement discret. Mais après, si tu tues tout le monde, plus personne sait que c'est toi. Ah ah ! Oui, effectivement, oui. C'est vu comme ça, oui. Mais bon, ça attire l'attention quand même. Oui, bon. Quand t'es une organisation secrète qui est capable de faire des expériences sur des gens sans que personne le sache, je pense que tu peux quand même camoufler la mort de quelques policiers. Oui, bon, écoute, après, je sais pas quel est ton métier, mais bon. Après, désolé, je suis pas scénariste. Et donc, le souci, c'est qu'il reste 20 minutes de film pour tout conclure. Oui. C'est ça qui est con. Couloirs vides. C'est ça qui est con. Du coup, Charlie. Il y a Charlie qui va débarquer. Elle fout le dawa. Ouais, sur son petit vélo, là. Oui, déjà, elle chour le vélo de trois connards là qui se foutaient de sa gueule. À trois codards, trois ados qui se foutaient de sa gueule. Il y en a un qui le fout à moitié à poil. Et elle doit tuer un premier agent avec son arme, c'est ce dont tu parlais, où elle l'achève. Oui, dans la voiture. Dans la voiture. Ouais, ça pourrait marcher s'il n'y avait pas Charlie qui monologuait pour répéter les mots qu'on a entendus 20 minutes plus tôt. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, le film nous prend pour des cons, oui. Et après... De base, le décor empêche que ça marche, quoi. C'est... Tu peux... Moi, je trouve qu'elle joue plutôt bien, la gamine. Hein. En oui, réalité, ça va. Je trouve vraiment très injuste, au-delà de son âge, sa nomination au Razzie Award, parce que je trouve qu'elle joue très bien son personnage, enfin, ce qu'elle a à jouer. De même fois, pour Zac Efron, d'ailleurs. Hein. Je trouve Zac Efron très bien dans son rôle. Et encore une fois, c'est ce qu'on lui donne à jouer, le problème. Quoi. Oui, voilà. Mais... Aussi bien qu'elle joue, elle marche dans des couloirs entièrement vides, tout sombre, ça peut pas marcher, tu peux pas croire que c'est un complexe du gouvernement. Elle est en espèce de tenue racaille, elle a une veste à capuche, elle a la capuche sur la tête. Tu te dis, oui, parce qu'elle a volé... Qu'est-ce qu'elle fait? Tout le monde sait qu'elle est là, arrête de faire ça. Mais c'est parce qu'elle a volé les fringues, je sais pas. Puis c'est vrai qu'il y a genre trois caméras de sécurité avec un vieux vigile pourri derrière, oh là là. Ah, c'est nul. elle ouvre toutes les portes. Alors il y a des gens qui s'enfuient, il y en a qui essayent de l'arrêter. À un moment, elle fait cramer une nana, mais vraiment, genre, c'est un tas de cendres à la fin. Oui, une nana qui, pour le coup, avait pas demandé grand-chose, mais bon. Voilà. Ouais, mais elle fait partie de la boîte, donc tant pis pour elle. Ouais. Pour le coup, ça, à la limite, elle a été poussée par son père, parce qu'elle retrouve Andy, mais qui est mourant à cause de l'utilisation de son pouvoir. Et c'est Andy qui déclenche chez elle, qui lui dit meurtrière. Détruit tout. Voilà, détruit tout, c'est le seul moyen. Et le souci, encore une fois, c'est que on n'a pas tant vu que ça les pouvoirs de la boîte jusqu'à présent. Donc que Andy en vienne à la solution de la terre brûlée aussi rapidement, qu'il ait switché aussi rapidement par rapport à son état initial qui était de ne faire aucune victime. Ah, c'est très bizarre. Ça marche pas. Mais du coup, Charlie tue tout le monde, dont la capitaine Hollister, mais on l'a quasiment pas vu, et oui. Son père, et on n'est pas du tout touché parce que à ce stade, on s'en fout. Oui, effectivement. Et un truc qui montre encore qu'on sait pas trop quel pouvoir a Charlie, c'est que il suffit de combinaison unifugée pour arrêter le feu. On sait pas jusqu'à quel point elle maîtrise ses pouvoirs, jusqu'à quel point elle s'est entraînée, donc... Après ça, tu peux dire que si elle utilise ses pouvoirs de manipulation, ils ont des lentilles spéciales qui empêchent ça, les agents de la boîte. Oui, ça effectivement, oui. Ça aussi, c'est un truc tout droit sorti de mon cul, parce que quand tu traques des gens qui ont des super pouvoirs, c'est pas que des pouvoirs qui jouent sur l'esprit, quoi. Si le mec il a le pouvoir du feu, tes lentilles elles vont servir à que dalle, quoi. C'est complètement con, ça aussi. Oui, voilà. C'est vraiment juste pour mettre un truc un peu stylé dans le film. Regardez, je mets mes lentilles. À mon avis, les pouvoirs qui est censé avoir Charlie pourraient peut-être dépasser les combinaisons unifugées, enfin j'en sais rien. Il y a un truc qui me gêne un peu dans le fait qu'il suffit de mettre une simple combi pour s'en protéger, tu vois. Moi, je sais ce qui te gêne, c'est que c'est de la merde. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tout simplement. Et donc on arrive vers la fin avec Rainbird qui la sauve et puis s'incline et il lui laisse le choix de... Parce que même ça, attends, du coup on va revenir sur cette séquence avec les trucs unifugés. Il y a les sprinklers qui se mettent en route, donc il y a l'eau qui coule du plafond. Mais en fait, elle a des pouvoirs tellement énormes qu'elle serait capable de faire évaporer l'eau avant même qu'elle l'atteigne. Donc en fait, on s'en fout même de ça. Oui, et puis, il n'y a pas de lien entre le fait que Charlie soit mouillée et le fait qu'elle puisse plus utiliser ses pouvoirs, techniquement. Bah oui, non. C'est pas la torche. Bah non, il n'y en a aucun. C'est la torche, effectivement, à cause de l'eau, ne peut plus s'enflammer, c'est logique. Charlie, elle fait pas sortir le feu directement de... Enfin, elle le crée autre part, le feu, en fait. Voilà, c'est de la merde. Ouais. Du coup, il y a Rainburn qui arrive et qui la sauve. Tout à coup, il devient un disciple de Charlie. Ouais, c'est très bizarre. Je suppose. On a compris plutôt que Rainbird a lui-même été un peu cobaye de la boîte. C'est un peu dit en sous-texte. Pas clair, mais voilà. C'est quand même... Si, je crois qu'à un moment, il le dit quand même relativement clairement. C'est juste qu'on ne saura pas exactement les expériences dont il est victime, mais... Et donc oui, ça devient son pote, quoi, maintenant. C'est très bizarre. Et la fin, c'est Charlie qui s'éloigne. Elle a laissé vivre Rainbird, elle est toute seule. Et il y a Rainbird qui vient et qui l'amène avec elle en la portant dans ses bras. Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais, c'est super. Générique. Il a juste tué les deux parents de Charlie, après tout, c'est secondaire. Enfin, il a tué la mère directement et il est responsable de la mort du père, mais c'est un détail, je suppose. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment... Je comprends pas. Oui, si, je comprends ce que ça veut exprimer. Ça veut exprimer que ce sont deux monstres avec des pouvoirs qui se retrouvent. Sauf que dans la mesure où les parents de Charlie avaient aussi des pouvoirs, il n'y a pas cette idée qu'elle était toute seule et incomprise. Bah oui, pas de problème. Donc ça sort vraiment de nulle part. Je sais pas à quoi c'est censé mener. Est-ce que c'est censé être une happy end, un happy end ? Je ne comprends pas ce que ça veut nous dire. Et c'est nul. Bah, une porte ouverte pour un second film. Oui, voilà. Mais comme on l'aura pas, c'est juste une fin ouverte. Ah, mais ça, ils savaient pas, à ce moment-là. Ouais. Ça allait dober à ce point-là. Oui, mais dans l'ensemble, quand tu fais un premier, tu fais en sorte qu'il y ait une vraie fin, même si ça reste ouvert pour une possible suite. Là, vraiment, à cause du manque de développement des personnages, cette fin n'a aucun sens. Oui, tu te demandes ce qui se passe. En fait, voilà, c'est un film qui commence pas mal, et puis après, ça devient un truc Blumhouse parmi les plus génériques, où tout est speedé, où les personnages sont pas développés, où tout ce qui aurait pu être intéressant est évacué au profit de quelque chose de générique et de fouché, et c'est nul. Ah oui. Puis ils ont loupé une occasion, quand même, c'est que pendant tout le film, il y a un délire autour de l'eau, et donc du coup, l'eau qui s'évapore avec le feu. Bah, ils ont loupé l'occasion, à la fin elle est au bord de la mer, quoi. Elle pourrait genre faire une dernière vague d'énervement vers l'océan et ça aurait pu donner une jolie scène avec l'océan qui bouillonne, oui. La vapeur qui s'élève, bah non. Bah, ce qui est techniquement présent dans le roman, pas avec l'océan, mais avec un lac. Elle fait s'évaporer le lac de... qui est près de la boîte. Bah non, ils l'ont pas fait. Et qui montre encore une fois sa méga puissance, ce qui pour moi est important. Mm. Là pour moi, Charlie, on n'a pas assez pris la mesure de sa puissance à la fin du film. Bah voilà. Et puis surtout, à la fin du film, bah, elle a toujours pas ouvert sa chocolaterie, quoi. En plus. Voilà, et ça, c'est vraiment nul, quoi. Surtout qu'elle peut faire du chocolat fondu facilement. Enfin, elle a vraiment des facilités, quand même. Hein, pour ah ça. Oui, incroyable. Mm. Donc, bah voilà, c'est un film tout pourri. Donc, comme tu y vas. Bon, quoi, ouais. non, mais vous pouvez voir le début. Vous avez une première demi-heure sympa, sauf que bah, ça fait pas tout un film, une première demi-heure. Donc, autant pas le regarder du tout. Et c'est vrai que vous pouvez largement passer votre chemin. Et bah, nous allons pouvoir passer à un petit extrait. Ouais, un petit comparatif de scène. Voilà, c'est ça, comme d'habitude. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't you play with me, 'cause you're playing with fire. Très bien, nous allons lire un passage qui est une sorte de flashback de réflexion de Charlie sur les problèmes qu'elle a eu à cause de ses pouvoirs quand elle les a utilisés sans le vouloir sous le coup de la colère. Dans le roman, nous sommes dans la partie L'incident à la ferme Menders, le premier chapitre de cette partie. Je lis l'édition France Loisirs et je suis à la page 104. La traduction est de F.M. Lennox. Manox ? Non, Lennox, comme Annie. Qui passe sur la bande FM. Voilà. Son plus ancien souvenir, les visages des géants penchés sur elle, les voix comme des rochers roulants et une odeur de gaufre brûlé. L'odeur provenait de ses cheveux. Elle y avait mis le feu et presque tout avait cramé. C'était après ça que papa avait parlé d'aide et que maman était devenue toute drôle, riant, pleurant et riant à nouveau si fort d'une façon si bizarre que papa l'avait giflé. Elle s'en souvenait parce que c'était la seule fois où elle avait vu son père faire quelque chose comme ça à sa mère. « On devrait peut-être penser à demander de l'aide pour elle », avait dit papa. Il se trouvait dans la salle de bain et elle avait la tête mouillée parce que son père l'avait mise sous la douche. « Oh oui », avait dit maman, « allons voir le docteur Wandless, il nous donnera toute l'aide qu'on voudra, comme la première fois. » Ensuite, les rires, les pleurs et la gifle. « Tu as été vilaine hier soir. »« Non, non, » murmura-t-elle sous les crépitements de la douche. « Papa a dit que non, il a dit que ça aurait pu être sa figure. »« Tu as été vilaine hier soir. » Mais ils avaient besoin de l'argent des téléphones. Papa l'avait dit « très vilaine ». Elle songea soudain à sa mère. Charlie avait alors 5 ans, presque 6. Elle n'aimait pas penser à ça, mais les souvenirs étaient revenus et elle ne pouvait les repousser. Ça s'était passé juste avant que les méchants ne viennent et lui fassent du mal. Avant qu'il la tue, tu veux dire. Ils l'ont tué. Bon, d'accord, avant qu'il la tue et emmène Charlie. Papa l'avait prise sur ses genoux pour lui raconter une histoire, sauf qu'il n'avait pas les livres habituels qui parlaient de Pooh et de Tiger, et de Monsieur Crapaud et de Willy Wonka. Il avait plein de livres très épais et sans images. Elle avait plissé son nez et demandé celui de Pooh. « Non, Charlie, avait-il répondu. Je veux te lire d'autres histoires et il faut que tu écoutes. Tu es assez grande maintenant, je crois. Ta mère le pense aussi. Ça te fera certainement un peu peur, mais il le faut. Ce sont de vraies histoires. » Elle se rappelait les titres des livres parce que ça lui avait vraiment fait peur. Il y en avait un appelé « L'eau » par un monsieur Charles Fort et un autre appelé « Plus étrange que la science » par monsieur Frank Edwards. Un autre encore appelé « La vérité de la nuit » et puis un dernier, « Pyrokinésie », compte rendu d'un cas, mais maman n'avait pas voulu qu'on lise celui-là. « Plus tard », avait-elle dit, « quand elle sera beaucoup plus grande, Andy. » Et le livre avait disparu. Charlie en avait éprouvé du soulagement. Les récits étaient terrifiants. Le premier parlait d'un homme qui était mort brûlé dans un parc. Le second d'une femme qui s'était consumée dans le salon de sa maison caravane. Rien dans la pièce n'avait pris feu, excepté la femme et un morceau de la chaise sur laquelle elle était assise, en train de regarder la télé. Charlie n'avait pas compris certaines choses très compliquées, mais elle se souvenait du policier qui disait « Nous n'avons aucune explication. Il ne reste rien de la victime à part des dents et quelques morceaux d'eau calcinée. Il aurait fallu au moins un fer à souder pour griller quelqu'un de cette façon. Nous ne comprenons pas pourquoi la caravane entière n'a pas explosé. » La troisième histoire concernait un grand garçon, 11 ou 12 ans, qui avait pris feu sur une plage. Son père l'avait plongé dans l'eau, se brûlant gravement au passage, mais le garçon avait continué à se consumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il y avait aussi celle qui parlait d'une adolescente qui s'était enflammée alors qu'elle racontait ses péchés au prêtre dans le confessionnal. Charlie connaissait la confession parce que Dini la lui avait expliquée. Elle lui avait raconté qu'il fallait avouer au curé tout ce qu'on avait fait de mal durant la semaine. Dini n'y allait pas encore, parce qu'elle n'avait pas fait sa communion. Mais son frère Karl, qui était en cinquième, se confessait. Il était obligé de tout dire, même la fois où il était entré en cachette dans la chambre de sa mère pour prendre les chocolats qu'on lui avait offerts pour son anniversaire. Parce que si on mentait au prêtre, on ne pouvait pas être lavé par le sang du Christ et on allait là où ça brûle. Charlie avait parfaitement saisi le pourquoi de ces histoires. Après celle de la fillette dans le confessionnal, elle avait été si effrayée qu'elle s'était mise à pleurer à gros sanglots. « Est-ce que je vais brûler vive ? Comme quand j'étais petite et que j'ai mis le feu à mes cheveux, est-ce que je vais brûler entièrement ?» Ses parents avaient eu l'air bouleversés, maman était pâle et n'arrêtait pas de se mordre la lèvre, mais papa l'avait entourée de son bras et l'avait consolée. « Non, ma chérie, mais tu ne dois jamais oublier de faire attention et de ne pas penser à cette chose. Cette chose que tu fais quelquefois quand tu es ennuyée ou effrayée. »« Qu'est-ce que c'est ?» avait crié Charlie. « Dites-moi ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne le ferai jamais, je le jure. »« Ça s'appelle pyrokinésie, ma chérie, » avait expliqué maman. « Ça veut dire qu'on est capable de mettre le feu quelque part, simplement en y pensant. En général, ça arrive quand on est contrarié. Certaines personnes possèdent apparemment ce pouvoir toute leur vie, sans jamais s'en apercevoir. D'autres, ce pouvoir s'empare d'elles pendant une minute, et elles... » Sa maman n'avait pas pu finir la phrase. « Elles prennent feu toutes seules, » avait continué papa. Comme quand tu étais petite et que tu as enflammé tes cheveux. Mais tu peux contrôler ça, Charlie. Tu dois le contrôler. Dieu sait pourtant que ce n'est pas de ta faute. Son regard avait croisé celui de sa mère à ce moment-là et elle avait eu l'impression que quelque chose passait entre eux. La serrant contre lui, il avait encore dit « Quelquefois, je sais, tu n'y peux rien. C'est un accident. Comme quand tu étais petite, quand tu oubliais d'aller aux toilettes parce que tu jouais et que tu faisais pipi dans ta culotte. Tu te rappelles, on appelait ça avoir un accident. Je le fais plus. » « Non, bien sûr, et dans peu de temps, tu contrôleras cette chose aussi bien, mais pour le moment, Charlie, tu dois nous promettre de ne jamais, jamais, jamais t'énerver de cette façon si tu peux l'éviter, cette façon qui te fait lancer des flammes. Et si ça t'arrive quand même, pousse-la loin de toi, sur une corbeille à papier ou sur un cendrier. Essaye de la faire sortir, de la diriger vers l'eau s'il y en a autour de toi. » « Mais jamais sur une personne, » avait ajouté maman. Son visage était lisse, pâle et grave. « Ce serait très dangereux, Charlie, ce serait très vilain, parce que tu pourrais... » Elle lutta pour faire sortir les mots de sa bouche. « Tu pourrais tuer quelqu'un. » Charlie avait alors éclaté en sanglots hystériques, versant des larmes de frayeur et de remords. Les mains de sa maman étaient toutes deux bandées et elle comprenait pourquoi son père lui avait raconté tout ça. La veille, quand sa mère lui avait interdit d'aller jouer chez Dini parce qu'elle n'avait pas rangé sa chambre, Charlie s'était mise en colère, très en colère. Le feu était venu, sortant de nulle part comme toujours, comme un diable bondissant de sa boîte, tanguant sur son ressort avec un mauvais sourire. Elle était tellement furieuse qu'elle avait poussé le feu hors d'elle sur sa maman dont les mains s'étaient mises à brûler. Heureusement, ça n'avait pas été trop grave. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être son visage, parce que l'évier était rempli d'eau savonneuse pour la vaisselle. Mais ce n'était pas bien, pas bien du tout, et elle avait promis à ses parents que plus jamais, jamais, jamais... Très bien, et maintenant la scène correspondante dans le film, alors ça mélange plusieurs scènes, en réalité nous allons mettre celle où Charlie brûle les mains de sa maman. Tu sais pourquoi on doit déménager tout le temps ? À cause de ton travail ? Et aussi parce que des gens méchants nous poursuivent, ils sont très méchants. Et aussi à cause des choses spéciales qu'on fait, la poussée et le feu. Et s'ils nous retrouvent, ils vont nous mettre en prison. C'est pour ça qu'on n'a pas de cellulaire ou de Wi-Fi. Parce qu'ils pourraient nous retracer. Je suis désolée qu'on t'ait menti. Mais j'ai couru à la salle de bain pour blesser personne. C'était la bonne chose à faire, Charlie. C'était très bien. J'ai essayé de le lancer dans l'eau, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on aura des problèmes, on ira en prison et tout ça, c'est de ma faute. Ok, tu dois te calmer. Calme-toi, Charlie. Reste calme, ma chérie, tout va bien. Non, ça va pas, faut pas dire ça. Je suis pas spéciale. Je suis un monstre. T'es pas un monstre. Tu dois te calmer, tout va bien. Calme-toi. T'es pas un monstre. Je suis un monstre. Charlie. Je déteste vivre comme ça. Eh bien, tant pis, Charlie, parce que c'est ça ta vie. Seigneur Randy, ça suffit. Vous m'avez rendu comme ça. Je déteste Charlie, qui je suis. S'il te plaît. Tout ça, c'est votre faute et je vous déteste. Charlie. Charlie. Charlie ! C'est bon. Tout va bien. Ok. Ma chérie, ça va aller. Pardon. Maman, pardon. Charlie ! Charlie, non. Charlie, non. Charlie ! Charlie, non, n'appelle pas. Voilà, donc pour revenir sur les différences, il y a l'âge de Charlie à plein de moments et la raison de la dispute avec la mère qui est complètement différente, parce que dans le film, ça rejoint l'utilisation de ses pouvoirs, en fait, ce moment-là. Ouais. Mais c'est un des points de similitude. Que penses-tu des deux, de la lecture et de ce qu'on a montré, hein ? J'ai quand même une préférence pour la version écrite, parce que ce que j'aime bien dans la scène du roman... C'est qu'on a toutes ces explications-là, et la révélation comme quoi Charlie a fait du mal à sa mère arrive à la toute fin de cette partie flashback. Où on voit que la mère a des bandages, enfin, on comprend du coup que la mère a des bandages au niveau des bras, et là on comprend qu'en fait Charlie lui a fait du mal sans le vouloir. Alors que c'est beaucoup plus frontal dans la version film, ce qui est normal vu qu'on n'est pas devant le même média. Mais la version film n'en est pas pour autant nulle. C'est deux approches totalement différentes, mais je trouve qu'ils arrivent à quand même faire passer à peu près le même message. Oui, et ça, la version film en fait change le contexte finalement de la scène, donc et le fait plutôt bien pour faire tout tourner autour de aussi du débat des parents sur l'utilisation des pouvoirs. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bienvenu. Effectivement, l'avantage de la version livre, c'est que c'est le moment où on découvre, où on prend la mesure en fait, d'à quel point Charlie peut être dangereuse et incontrôlable. Et donc, voilà, c'est peut-être le moment où on commence à se rendre compte, où on commence à comprendre en partie la méfiance de la boîte en fait, parce que c'est ce qui est intelligent dans le roman, c'est qu'on peut comprendre un tout petit peu. La méfiance de la boîte, pas du tout leur manière d'agir, pas du tout leur volonté de contrôle, parce qu'on sait qu'au final c'est ça, ils veulent faire de Charlie une arme au service du gouvernement. Ah oui. Mais qu'ils soient pas rassurés à l'idée que quelqu'un d'aussi puissant existe, on en prend la mesure à ces moments-là avec Charlie qui, en effet, sur un coup de colère, peut faire énormément de mal, même aux gens qu'elle aime. Mmh, c'est ça. C'est vrai que j'aime bien l'aspect un peu chaotique des souvenirs, je trouve ça joli, ça amène plus de force et ça montre mieux la terreur de Charlie elle-même envers ses pouvoirs. Mmh, et l'incompréhension. Et l'incompréhension aussi. Et ça du coup installe ce qui sera développé dans le roman, à savoir qu'une partie du roman en fait c'est l'arroseur arrosé de la part de la boîte, c'est la boîte lui apprend à maîtriser ses pouvoirs. Et parce qu'elle les maîtrise, elle va devenir encore plus puissante quand il s'agira de les attaquer. Et voilà, ça est donc plus dangereuse pour eux. Ouais, mais comme il n'y a pas ce parcours dans le film, voilà, on a juste le coup de colère, mais qui effectivement est une des scènes bien gérées, en bonne partie parce qu'à ce stade-là, les trois personnages sont pas trop mal dessinés. Charlie est une petite fille assez attachante, elle a eu ses problèmes à l'école, elle est frustrée parce que ses parents lui disent rien, alors qu'ils lui interdisent plein de choses pour pas qu'elle soit retrouvée par le gouvernement. Mmh. Et le débat sur l'utilisation des pouvoirs entre Andy et Vicky, il fonctionne aussi. Donc oui, la scène est relativement efficace. Oui, dans les deux versions, hein. Franchement. C'est ça. Pour le coup, c'est un des moments où vraiment le film arrive bien à reprendre une idée du roman, une scène du roman, à en changer le contexte et à en faire quelque chose qui s'intègre bien dans l'intrigue telle qu'elle est faite. Oui. Mais voilà, on a tapé dans la partie du film où ça tient encore la route. Oui, voilà. Que ça vous serve pas de motivation pour le regarder, ça voilà. Se dégrade très vite après ça. On est dans la toute première moitié du film, là. Et encore voilà, le début de la première moitié. Même le premier tiers, hein, là, oui. On est encore. Mais voilà, je pense que on a fait le tour et qu'on va pouvoir classer ça. Eh ben, on peut y aller. Alors, donc, heure du classement. Alors, cette fois-ci, pas de classement en livre, une semaine de vacances pour moi du coup. Mais je peux tout de même vous rappeler que Charlie est en quatrième position de notre classement qui compte 64 œuvres, si je ne me trompe pas. Et donc nous allons passer au classement film, où nous avons pour l'instant 101 œuvres de classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Calil, Mon Roman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Vas-y Chris, c'est ton moment. Je sens un sourire dans ta voix, c'est quand même rigolo. Ouais. Tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, c'est ça qui est drôle. oui, bah oui, c'est ça, et je ne suis pas informé de ce qui va se passer. Ah là là là là. Room 237. Room 237. Une ombre file dans la nuit. C'est un podcasteur qui s'enfuit. C'est pour son émission qu'il subit. Ce visionnage restera impuni. Une crise d'épilepsie. Une ambulance gaule les urgences. Le médecin annonce la sentence. Il n'y a rien contre un film si rance dans le méandre des séries B. On finit toujours hébété. Aucun mauvais film ne nous impressionne. Et les nanars, on les affectionne. On n'a pas Flanagan à la bonne. Le vidéoclub ne craint personne. Quand une adaptation est bonne, comme des fanboys on tourbillonne. Faut dire que le sujet nous passionne. Le vidéoclub ne craint personne. Waouh, bravo. Bravo. Il y a vraiment, oui, il y a un beau travail, hein, ça, clairement. Attention, il y a un travail de recherche, de rythme, de rythmique. Ah oui, mais ça, oui, c'est ça. C'est, on sent que tu t'y consacres. Hein. Ah oui, on peut le dire, oui. Bon, classons donc Charlie 2022. Après toutes ces émotions. Voilà, c'est ça. Après ce beau concert. Ah mais bon, va falloir faire un Patreon pour financer ça. L'album avec les versions longues. Donc, le fixe, ça commence pas si mal, va le faire remonter au-dessus de quelques trucs, quand même. Ouais, bah après, ça commence pas si mal sur quelques minutes seulement. Ouais, mais c'est déjà plus que pas mal de trucs. Bon, déjà, c'est supérieur à Firestarter 2. Hein. Oui, voilà, déjà. C'est déjà ça. C'est... Là, j'étais sur Creepshow 3, alors qu'il n'est pas énormément au-dessus, mais c'est mieux que Creepshow 3 aussi. Oui. Mais c'est pas beaucoup mieux non plus, tu vois. Ça, on va pas remonter à mort. Mmh. J'hésite. Mieux que... Ah, je sais pas. Sagda, c'est plus chiant. Ah, Sagda, c'est chiant. Hein, mais, ouais. C'est chiant parce que c'est plus long, quoi. Ouais. Et Acadienne de Delac. C'est vrai que le Salem de Gary Doberman fonctionne jamais vraiment en même temps. Ah ouais. Non plus. C'est tellement neutre comme film. Ouais, oui, c'est peut-être au-dessus des Enfants du Diable parce qu'il a une meilleure musique, mais par contre, même le Fléau, il y a des trucs qui me satisfont plus dans le Fléau de Josh Boone, quoi. Ouais. Je pense. Hein. D'accord. Mmh. Entre le Fléau et les Enfants du Diable. Ouais, ça me paraît pas trop mal, moi. Et bah go. Donc, le Charlie de Keith Thomas prend la 69e place entre le Fléau, la version de Josh Boone, donc le plus récent, et Les Enfants du Diable d'Adam Grossman, c'est-à-dire le deuxième Jimmy Court, Vengeance Diabolique. Yes. C'était vraiment pas bien. Ouais, ça fait un gros écart. Pour l'instant, les deux Charlie qu'on a classés, l'écart est flagrant quand même avec le roman, hein, la vache. Ouais. Ah oui. Mais on n'a toujours pas fait le film original assez culte. Top 5, le roman depuis très longtemps. Bah, depuis le 34e épisode, hein, du coup. Ah, on l'a abordé assez tôt dans l'histoire du podcast. Hein. Très bien. Donc, on se retrouvera dans 2 semaines pour parler d'un élève doué, la longue nouvelle de différentes saisons et son adaptation par Bryan Singer. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur Blue Sky, @cinémaarchiviste pour toi et @chrislosttales pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, sur YouTube pour moi. Je fais des vidéos surtout sur le cinéma asiatique. N'hésitez pas à passer voir ça ou à passer sur notre Discord. On met tous les liens dans la description. Et des fois, on enregistre en live sur Twitch, sur la chaîne de Chris, une émission consacrée au cinéma généraliste. On est en train de préparer le prochain dossier, là. Exactement. Voilà. On sera heureux si vous passiez pendant les enregistrements. Oui, ce serait sympa. Voilà, bah j'espère que tout ça vous plaira. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, n'oubliez pas... Déjà que le vidéoclub ne craint personne, mais surtout que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.